Chapitre 10. Il descendit les Champs-Élysées, mâchant un cigare éteint et voyant rouge. 20 minutes plus tard, il entrait à son cercle et y trouvait quelques-uns de ses convives du matin, entre autres messieurs de Montélin et d'Hermany, avec lesquels il s'enferma dans un boudoir particulier. Il leur dit confidentiellement qu'il se considérait comme offensé par la tenue inconvenante du comte de Lerne auprès de Diana Gray, par son affectation à lui parler anglais pendant toute la durée du déjeuner, quand il savait parfaitement que lui, Morescan, maître de la maison, ignorait cette langue, enfin par son attitude généralement impertinente jusqu'à la provocation. Messieurs de Montélin et d'Hermany, gentlemen fort corrects, malgré ce qui pouvait leur manquer d'ailleurs, ne soulevèrent aucune objection contre la légèreté de ces griefs, comprenant qu'ils en cachaient de plus sérieux et de plus légitimes qu'il était convenable de laisser dans l'ombre. Monsieur de Morescan ajouta qu'il avait pour principe et pour système de terminer ces sortes d'affaires dans le plus bref délai possible, afin de ne pas leur laisser le temps de s'ébruiter, et pour prévenir ainsi l'intervention toujours si regrettable des femmes. Il priait en conséquence ces messieurs de vouloir bien lui rendre le service de se transporter immédiatement chez M. de Lerne et d'y accomplir la mission qu'il confiait à leur amitié. M. de Montélin fit observer que son duel personnel avec M. de Lerne lui imposait l'obligation de se récuser en cette circonstance. M. de Morescan en convint. Il se rejeta alors sur un autre de ses amis, M. de la Jardie, également membre du cercle, et que M. d'Hermany alla chercher aussitôt dans un salon voisin. M. de la Jardie adorait ces occasions qui lui permettaient de déployer son importance. Il essaya mollement, par respect pour la forme, de faire entendre quelques paroles de conciliation. Mais il avait aussi assisté au déjeuner de Diana Gray, et il finit par avouer, puisqu'on voulait bien lui demander son avis sincère, qu'il s'était passé à ce déjeuner des choses d'une digestion un peu difficile à tous égards pour son ami le baron de Morescan. C'est pourquoi il était tout disposé à lui prêter son concours en qualité de témoin.